Une langue étrangère. Прослушайте текст и скажите, в чем заключался сюрприз, приготовленный Бижу для мамы. Бижу habite avec sa famille dans un petit village. Il a 2 ans. Бижу s'intéresse à tout. Il n'arrête pas de poser des questions à son papa. C'est le chien le plus intelligent du village. Cette année, il va à l'école. Le jour de la rentrée, il quitte la maison à 8h du matin. C'est un chien ambitieux. Il veut arriver à l'école de bonne heure pour ne rien manquer. Sa mère l'accompagne jusqu'à la porte et lui demande « À quelle heure est-ce que tu rentres aujourd'hui, mon petit ?»« Aujourd'hui, je rentre à la maison vers 2h30. » Pendant la journée, la mère de Bijou s'occupe de préparer un repas de fête. Elle regarde par la fenêtre de la cuisine. Elle attend son petit revenir de l'école. Elle regarde l'horloge de temps en temps. Elle veut savoir comment son cher enfant passe la première journée à l'école. Elle s'inquiète pour lui et elle s'intéresse beaucoup à ses progrès. À 3 heures précises, Bijou arrive devant la maison. Il frappe à la porte avec sa queue. Sa mère vient lui ouvrir la porte. Elle lui dit « Bonjour mon petit !»« Miaou, miaou !» dit Bijou, imitant un chat. « Que dis-tu, Bijou ?» demande la mère avec surprise. « Pourquoi imites-tu le chat ?» Ne sais-tu pas aboyer et hurler comme tout le monde ? Mais si, je sais aboyer et hurler, dit le petit chien. Mais je veux te montrer que je suis intelligent. Cette année, nous étudions une langue étrangère à l'école. J'ai déjà appris à dire « miaou, miaou ».